Tu dis que tu voudrais partir, mais tu ne sais pas comment. Tu voudrais une maison, mais tu n'as pas d'argent. Des idées dans la tête, et puis rien dans les mains. Tu sais, la grande fête, ce sera pas pour demain. Et eux te guettent en bas de chez toi avec leurs bras en or. Méfie-toi, ils sont là et ils changent le décor. Tu es fou comme un oiseau qui n'aurait plus d'aile. Au pays de la mort, tu tournes le dos au soleil. Tu te mets à plusieurs, tu dis ce sera plus facile. Ensemble on est plus fort pour quitter la grande ville. Mais la ville te tient à ses murs enchaînés. Si t'es vain, c'est 20 chaînes qu'il te faut arracher. Ensemble on est plus fort si tout seul tu es fort. Ensemble on est plus faible si tout seul tu es faible. Tu es fou comme un oiseau qui n'aurait plus d'aile. Au pays de la mort tu tournes le dos au soleil. T'as trouvé du boulot pour durer tout l'hiver. Moins t'en fais, mieux ça vaut. Le tout c'est d'avoir l'air. Le ciné, les cafés, le tabac, les concerts, la bagnole, le loyer, tout ça, ça coûte cher. Et il faut s'habiller et payer pour l'hiver, payer pour bouffer, pour l'eau et la lumière. Tu es fou comme un oiseau qui n'aurait plus d'aile. Au pays de la mort, tu tournes le dos au soleil. Dans ce monde de cochons, tu vois bien la misère. Mais pour toi, tout est bon, qu'importe la manière. Y a les gros, puis les petits, c'est comme dans les affaires. Alors toi, t'as appris à marcher de travers. Alors là, maintenant, tu peux faire tes projets. Il te reste du temps, tu peux encore rêver. Qu'un jour, comme les oiseaux, tu auras des ailes.